En 1950, 24 millions de passagers ont pris l'avion. En 2000, ils étaient 1,5 milliard. Couleur 3, 22h, 23h, Life Act. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Live Act, une émission tellement vivante que même les zombies reprennent des couleurs en l'écoutant. Et je ne crois pas si bien dire, car aujourd'hui on a en tout cas un mort sur les bras. Je veux bien entendu parler de Kurt Cobain, chanteur charismatique et guitariste de feu Nirvana. Oui, vous avez bien entendu, c'est un concert du groupe grunge le plus adulé des années 90 qu'on va vous envoyer en pleine face pendant une heure. Les faits se passent au festival de Reading en 1992. Vous écoutez Couleur 3, attachez vos ceintures, ça commence avec Breed. Couleur 3. Thank you. couleur 3. Mom and Dad were too show. Drop me off for Grandpa Joe's. Kick this game, said please, don't go. Can I take me home? Can I take me home? Call it in blue. In Bloom, un titre sorti en 1992 dans l'incroyable album Nevermind de Nirvana qui fit exploser tous les records de vente cette année-là. Et c'est précisément cette même année que fut enregistré ce concert du festival de Reading en Angleterre. Tout ça, c'est dans Live Act jusqu'à 23h et c'est sur Couleur 3 comme As You Are. Couleur 3, 22h, 23h, Live Act. I'm so happy, cause today I found my friends. They're in my head. I'm so ugly, that's okay, so are you. Sunday morning is every day for all I care. I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Today I shed my Yeah. Tourette's, un titre qui figure sur l'un des albums posthumes de Nirvana, From the Muddy Banks of the Wishka, sorti en 1996, deux ans après que le trop ou pas assez éclairé Kurt Cobain s'est fait sauter le caisson avec une carabine. Mais retournons au festival de Reading en 1992, époque où tout allait encore bien pour Nirvana puisqu'ils étaient occupés à écouler leurs 27 millions d'exemplaires de Nevermind. Vous écoutez Live Act et c'est sur Couleur 3, évidemment. Le titre suivant sur ma liste, c'est Polly. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Have a seat. Let me clean up dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to untie her. Just would be nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty rings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. But Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Misses me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Oh, Alors, on n'est pas bien là? Vous êtes sur Couleur 3? Live Act, 22h, 23h, on a encore quelques titres dans le tiroir à défaut d'un polichinelle. Le morceau d'avant s'appelait On a Plane et on enchaîne avec All Apologies, un titre de 1993 sorti originellement dans l'album In Utero. C'est Nirvana en live au Festival de Reading, ça va de soi. The sun is gone. Voilà, ça sent la fin. Kurt Cobain se suicidera 2 ans moins des poussières après ce concert d'anthologie enregistré au festival de Reading. Paix à son âme. Nous, on va tâcher de respirer jusqu'à demain afin de pouvoir se retrouver entre 22h et 23h sur Couleur 3 pour un live act un peu plus underground avec un concert de Doves. En attendant, Pierrick et Rodolphe vous disent